de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, depuis Lucie, 3 millions d'années d'humanité, une série de Franck Bessière réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a des fossiles, des os et cette question: comment l'être humain est-il devenu ce que nous sommes et qu'est-ce qui nous a pris de semer, de labourer et de nous installer? Alors pour commencer, les personnages. Un archéologue sur le terrain, un préhistorien qui constate, un autre qui raconte, une préhistorienne qui définit, un archéozoologue qui déroule et une archéo-anthropologue qui observe. Ensuite, le décor. Une paroi, des habitats troglodytes, des vestiges, la chasse, le village, des maisons, des céréales, chats, chèvres, loups, des squelettes, des maladies, des inégalités, des guerres et des conflits. Aujourd'hui, 3e épisode, on va faucher. Je suis un homme du néolithique. Aujourd'hui, je vais voir si les blés ont mûri. Les blés sont mûrs, il faut les récolter. Je vais à la maison, je demande à mon épouse de m'accompagner, nous prenons des faucilles, nous prenons des paniers et nous allons récolter les épis. Puis, le soir, je décide d'aller voir si le troupeau est toujours au même endroit, s'il ne s'est pas dispersé. Le troupeau est là, à côté il y a la forêt, Je vais dans la forêt, tiens, là, il y a un sanglier. Bon, ben, après tout, il n'a pas l'air d'avoir peur. J'ai encore mon poignard et mon arc. Je vais essayer de tuer ce sanglier pour apporter de la viande à la maison. Puis, je rentrerai le soir. Depuis Lucie, la néolithisation, errare humanum est. L'humain se sédentarise, ne chasse presque plus, mais préfère élever ses animaux. Il ne base plus ses ressources alimentaires sur ce qu'il trouve, mais cultive et récolte. Ce grand bouleversement de l'humanité, c'est le néolithique. Un changement qui va transformer la destinée de l'humanité. Alors on est sur la commune de Montrosier, au lieu dit le Moulin de Roquemissou, à proximité de l'Aveyron. On est à une vingtaine de mètres du fleuve. Thomas Perrin. Et au pied d'une paroi de calcaire. Archéologue préhistorien. Une vingtaine de mètres de haut maximum et qui présente un surplomb. Et sous cette falaise, en fait, il y a des petits habitats modernes semi-troglodytiques qu'on peut voir avec des bâtiments qui servaient d'abri pour les cochons, pour les moutons, ce genre de choses, et de bergeries. Et entre la paroi et certains blocs effondrés et la bergerie, on a des vestiges préhistoriques qui ont été mis au jour dans les années 80. Et le site de fouille, alors, qui se répartit en plusieurs secteurs. Donc il y en a un secteur qui a été fait dans les années 80 qui se trouve à l'intérieur d'une des bergeries aménagées. Et puis les parties qu'on fouille, nous, qui sont en extérieur à l'air libre, un peu au-delà de la bergerie en question. Et qu'on peut aller voir, du coup, c'est un endroit qui est protégé pour éviter les fouilles clandestines. Et donc il y a un petit grillage et une porte qui a été aménagée, qui permet l'accès au site. Alors là, on arrive sur le secteur des fouilles actuelles. Donc on est toujours au pied de cette paroi, entre des gros blocs qui montrent l'effondrement du surplomb. Des gros blocs, c'est des blocs qui font une quarantaine de tonnes et qui délimitent la zone où les occupations préhistoriques ont été préservées. Alors, qui habitait ici ? Alors, les toutes premières traces d'occupation qu'on a actuellement, donc elles remontent après le dernier maximum glaciaire, autour de 11 500 ans avant notre ère, de groupes qu'on appelle les Asiliens, donc un groupe du sud de la France, qui sont des chasseurs-collecteurs nomades, qui venaient s'installer ici quelques semaines, quelques mois par an, au sein d'un parcours annuel beaucoup plus vaste. Quoi. Une sorte de halte de chasse ? Une sorte de halle de chasse, oui, sans doute, ouais. Alors après, cette toute première occupation, elle est très peu documentée, parce que c'est la plus profonde, évidemment, donc la plus longue à atteindre. Et on a des occupations qui sont juste un millénaire après, d'un autre groupe qu'on appelle le Laborien, où pour le coup, c'est toujours des haltes de chasse ici, et on sait que ces populations-là, par exemple, chassaient des troupeaux de chevaux sauvages, qui divaguait dans la plaine de l'Aveyron qui est devant nous. Pourquoi ici ? Eh ben déjà parce que c'est joli peut-être, et puis parce qu'en fait c'est un site, on est à proximité d'une rivière, donc en fait on est à un endroit où il y a plusieurs biotopes qui se rencontrent, à un moment où la plaine de l'Aveyron se resserre, donc sans doute des lieux assez stratégiques en termes d'approvisionnement, et se posent également à mon avis les questions d'approvisionnement en eau, et en fait on s'aperçoit que la falaise, c'est une falaise qui referme beaucoup de poches d'eau, on voit de l'eau qui glisse le long de la falaise, et puis vous voyez qu'il y a des petits enfoncements dans la falaise, des petits trous en fait, et certains de ces trous en fait libèrent des petits filets d'eau douce, donc qui a pu constituer aussi un attrait pour l'installation des gens. Donc si on parle d'une halte de chasse, c'était qui ces humains qui s'arrêtaient ? C'est plutôt des cellules familiales en fait qui se déplacent dans des parcours annuels, donc hommes, femmes, enfants, qui se déplacent un peu tous ensemble. On a les occupations du Mésolithique, les derniers chasseurs-collecteurs qui habitaient l'Aveyron, donc au moment où la forêt s'est mise en place. Donc là, on est dans des environnements qui sont similaires à l'actuel, mais avec une végétation beaucoup plus dense. Ces occupations-là, on les rencontre principalement entre 8000 ans avant notre ère et 5500 ans avant notre ère. Et à la fin de ce 6e millénaire avant notre ère, on voit un changement, c'est-à-dire qu'on voit arriver des gens qui, pour le coup, ne restent pas forcément plus longtemps dans un premier temps, c'est-à-dire que dans un tout premier temps, les populations néolithiques, donc d'agro-pasteurs qu'on voit s'installer sur le site, viennent sans doute temporairement aussi. Ce n'est que plus tard qu'ils vont s'installer dans des habitats stables sur le site en question. La problématique principale des fouilles ici, c'est justement d'essayer de documenter cette transition, de savoir si c'est les populations de chasseurs mésolithiques qui ont évolué vers l'agriculture, le pastoralisme et la sédentarité, qui sont devenues néolithiques sur place, ou si c'est des populations de néolithiques qui sont arrivées d'ailleurs et qui ont occupé les espaces où vivaient précédemment les populations mésolithiques. Et évidemment, la solution n'est pas forcément l'un ou l'autre, ça peut être un mix entre les deux. Ce dont on est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'invention locale de l'agriculture et de l'élevage. Les pratiques agricoles, comme les espèces qui sont cultivées, et les animaux domestiques sont importés de l'extérieur. Après, savoir si les populations de chasseurs indigènes se sont mêlées ou ont fui devant des populations de colons néolithiques, c'est toute la question qui reste encore en suspens actuellement ici. Le néolithique est certainement l'événement le plus considérable de l'histoire d'Homo sapiens, vous et moi. Jean-Paul Demoule, archéologue préhistorien. Nous existons depuis 300 000 ans, mais il y a 12 000 ans à peu près, il n'y avait pas plus d'un ou deux millions d'humains sur Terre qui vivaient dans des petits groupes de 30-40 personnes, la plupart du temps nomades, avec très peu de différences sociales, de statut entre eux. Et 10 000 ans après, à cause de l'invention de l'agriculture sédentaire, eh bien, nous sommes 7 milliards et où 1% de l'humanité possède plus de la moitié des richesses de l'humanité. Et ça, c'est le néolithique. Le néolithique, c'est un moment dans l'histoire de l'humanité. Jean Guilaine, archéologue préhistorien. C'est un moment où l'homme change progressivement sa façon de vivre, sa relation avec la nature. Ce sont les débuts pratiquement de l'histoire rurale, c'est-à-dire c'est le moment où l'homme domestique les plantes, domestique les animaux, va vivre désormais de l'alimentation qu'il produit lui-même, au lieu simplement de la prélever sur la nature, comme il l'avait fait pendant toute la durée des temps paléolithiques. Claire Manin, archéologue préhistorienne. Alors néolithique, en fait, ça veut dire nouvel âge de la pierre, en fait, néo, nouveau, lithique, pierre. Donc en fait, c'est une terminologie qui a été définie pour la préhistoire européenne et qui donc marque la transition vers ces nouveaux objets en pierre que sont les haches polies. Donc ça, voilà, c'est resté, même si dans certains endroits du monde, l'outillage en pierre polie peut exister avant les communautés d'agro-pasteurs. Mais en tout cas, en Europe occidentale, c'est une terminologie qui est restée comme ça. il y a 10 000 ans, le climat se réchauffe, on est dans l'actuel interglaciaire, et avec une espèce humaine qui a un cerveau déjà plus complexe. Et donc là, on s'aperçoit que, en plusieurs endroits du monde, simultanément et sans correspondance les uns avec les autres, des chasseurs-cueilleurs commencent à domestiquer des animaux et des plantes et à se sédentariser, puisque les conditions environnementales le permettent et que leur psychisme aussi est déjà plus complexe. Et donc, c'est en même temps une sorte d'engrenage qui va conduire d'abord au village, puis ensuite à la ville, au monde urbain, et en même temps à des organisations sociales de plus en plus sophistiquées, et dont le sommet est, en quelque sorte, est l'État, c'est-à-dire un type de société sur lequel nous vivons aujourd'hui. Il continue à chasser, évidemment, et à collecter des végétaux sauvages, etc. Mais le fond de son économie repose sur l'élevage et l'agriculture. Dans le sud de la France, l'élevage de moutons, de chèvres, et puis la culture des céréales, blé, orge, etc. Et puis, il y a d'autres traits saillants qui définissent le néolithique. C'est une emprise au sol toujours plus importante, avec le regroupement, la sédentarisation, qui apparaît déjà dans certaines zones du monde, sur certains coins de la planète, en contexte de chasse et de cueillette. Mais vraiment, avec le néolithique, on a une emprise au sol qui devient de plus en plus forte et avec une fixation et qui s'illustre notamment dans la manière de bâtir, d'habiter l'espace. Et puis, le néolithique aussi, c'est une période où il y a énormément d'innovations techniques qui apparaissent et qui peuvent être liées avec le développement de l'élevage et de l'agriculture. Alors, en Europe, parmi les innovations techniques qu'on peut voir, c'est l'apparition de la céramique, par exemple, alors qu'il y a un matériau qui n'existe pas à l'état naturel dans la nature. C'est un matériau, c'est le premier façonné par l'homme, qui est constitué de terre et d'eau qu'on mélange, qu'on façonne et qu'on fait cuire. Alors, cette céramique, elle peut exister et elle existe en plein d'endroits de la planète en contexte de chasseurs-cueilleurs. C'est pas du tout réservé aux agropasteurs, mais en Europe, c'est vraiment un nouveau matériau, une innovation technique qui apparaît avec l'élevage et l'agriculture. Voilà. Et puis, évidemment, il y a les outils qui servent à cultiver le joug, le bâton à fouir, le bâton à fouir. Et puis, progressivement, se développera l'arrière, etc. Donc, toute une panoplie d'outils, en fait, qui est liée à ces nouvelles pratiques. À ce moment-là, on va commencer par, dans l'ordre historique des fouilles, par l'autre côté du gisement. Alors, on va passer les gros blocs d'effondrement. Voilà. Ici. On va se mettre par là. Alors ici, on est dans la partie du site où le surplomb rocheux est le mieux préservé. C'est-à-dire que même en cas de forte pluie, on est dans un endroit du gisement où l'eau ne circule quasiment jamais. Et ce qui est intéressant dans cette partie-là également, c'est qu'on a ce surplomb, en réalité, à une dizaine de mètres devant nous, s'est effondré et on voit des énormes blocs de la taille d'un petit camion, on va dire, qui sont tombés du haut de la falaise et qui sont sur le sol. Ces blocs sont tombés sur les toutes dernières occupations, c'est-à-dire ils sont tombés sur les maisons du dernier village qui était installé ici. Et ces blocs, en réalité, donc, ils ont mis fin de manière un peu accidentelle aux occupations préhistoriques, mais ils ont également protégé les occupations qu'il y avait dessous, en les protégeant de l'érosion et de la circulation de l'eau notamment. Et donc sous ces gros blocs, on a pu mettre en évidence une coupe stratigraphique, c'est-à-dire une succession des occupations humaines sur le site, qui montre justement toute la succession des occupations préhistoriques au fil du temps. Donc depuis les toutes premières occupations, qui sont les plus profondes à 2,50 m sous le niveau du sol actuel, donc celles de 11 300 ans avant notre ère, jusqu'aux toutes dernières, le village du néolithique final qui sur lequel s'est effondré en partie le surplomb, vers 2 300 ans avant notre ère. Il n'y a pas deux maisons typiques du néolithique, mais parce que, évidemment, suivant les ressources qu'on va trouver dans le milieu, on ne va pas construire de la même manière. Alors ici, on a des traces des maisons sur ce site plutôt vers la fin du néolithique, vers 3000 avant notre ère. Et là, c'est principalement des maisons qui sont constituées de pierres, de bois, de terre. Et en fait, c'est les trois matériaux qui vont toujours revenir hein, régulièrement avec des densités un peu différentes suivant là où on se trouve. C'est quoi la taille de ces maisons ? La taille de ces maisons ici, elles sont très fragmentées, mais en gros, c'est quoi ? C'est une petite dizaine de mètres de longueur, on va dire, pour 4-5 mètres de largeur. Hein. C'est des petites unités domestiques, en fait, familiales. C'est des formes ovalaires, souvent avec donc des toitures qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on imagine constituées de végétaux et voilà. Et donc, ça accueillait probablement une petite unité familiale. Et ces maisons sont accolées les unes aux autres le long de la paroi. Et voilà, ça constituait une petite agglomération, mais qu'on n'a pas fouillée dans sa globalité ici. Hein. Alors, par exemple, ici, on peut imaginer combien de maisons pourraient accueillir la paroi ? La paroi, elle est très longue, en fait. Mais si on regarde un petit peu ce qu'on a pu découvrir ici, on a une petite dizaine d'unités qui se juxtaposaient ici et puis probablement qui s'étendaient vers l'Aveyron qui coulait pas loin. Quelle taille faisait à peu près le village ? On peut imaginer combien d'habitants sur ce type de village ? On peut imaginer qu'une quarantaine, cinquantaine de personnes vivaient ici à l'année, à la fin du néolithique. Mais pour le coup, le néolithique final, ici, on a des sites partout. C'est-à-dire qu'en fait, on a peut-être des petites communautés villageoises d'une cinquantaine, centaine de personnes, ça on ne saura pas. Mais par contre, il y en a partout, partout, contrairement au mésolithique avant. L'Aveyron est la partie de France où il y a le plus de dolmens, par exemple. Ces dolmens, pour les trois quarts, datent de ces périodes-là. On a une métallurgie du cuivre qui apparaît, avec des statues menhirs, des choses comme ça. Donc on a une densité de population beaucoup plus forte qu'aux périodes précédentes, même si les unités domestiques elles-mêmes ne sont pas forcément beaucoup plus imposantes. On a une démultiplication du nombre de sites, effectivement. Donc, c'est là qu'on peut voir que on appelle souvent le néolithique, c'est une transition démographique, effectivement. On le repère principalement par rapport à la quantité de gisements archéologiques qui se décuplent à la transition mésonéolithique, justement. L'agriculture sédentaire n'a pas que des avantages, ça demande beaucoup plus de travail. On estime que les chasseurs-cueilleurs, d'après les observations des ethnologues, travaillent en moyenne 3 à 4 heures par jour, alors que les agriculteurs, y compris nous-mêmes, travaillons toute la journée. En plus, c'est une nourriture qui a des inconvénients, elle est plus molle, plus sucrée, fondée sur les céréales. Donc on voit les caries dentaires augmenter, la taille des humains tendance à se rétrécir. Mais néanmoins, avec la sédentarité, il y a effectivement une plus grande sécurité alimentaire avec l'agriculture. Et on constate que alors que les chasseuses-cueilleuses ont en moyenne un enfant tous les 3-4 ans, à cause notamment du nomadisme, bien les agricultrices des sociétés traditionnelles, y compris en France dans la première moitié du XXe siècle, ont pratiquement un enfant tous les ans, même si une bonne moitié meurt avant l'âge adulte. Donc ça va créer un boom démographique, effectivement, qui va être favorisé par cette alimentation plus sûre. Et ce boom démographique va avoir lui-même toute une série de conséquences, l'augmentation des inégalités, de la violence et une course au progrès technique permanente, puisqu'il faut nourrir de plus en plus de personnes sur une planète finie. Mais quand on regarde quelles sont les populations qui ont fait cette transition vers l'agriculture au Moyen-Orient, Evelyne Ayer, paléogénéticienne, on voit que c'est des populations qui étaient déjà en croissance démographique avant de se tourner vers l'agriculture. Alors, on ne peut pas dire que c'est la démographie qui fait l'agriculture, c'est peut-être d'autres choses. Ils étaient dans des zones où il y avait plus à manger, donc il y avait une densité de population plus forte, et du coup, ce sont eux qui, du fait d'une certaine forme de sédentarité, se sont mis à faire la transition vers l'agriculture, qui après réinduit une transition démographique encore plus rapide. Et ça, on l'a trouvé, nous, en analysant les données génétiques de populations humaines actuelles, en comparant des sociétés qui sont restées chasseurs-cueilleurs et des sociétés qui ont fait les transitions vers l'agriculture, et cela dans le monde entier. Et à chaque fois, on trouve que les sociétés qui sont allées vers l'agriculture étaient des sociétés qui avaient une croissance démographique avant la transition vers l'agriculture. Le néolithique est né dans plusieurs laboratoires, en plusieurs points du monde, c'est-à-dire en des lieux qui étaient relativement favorisés pour la chose, c'est-à-dire qui possédaient des plantes et qui possédaient des animaux, à même de se prêter à la domestication. Alors, où est né le néolithique ? Il est né dans 5 ou 6 foyers de la planète. Le plus ancien et le plus connu aussi, parce qu'il a fait l'objet de nombreuses fouilles, c'est le Proche-Orient. C'est là où on a domestiqué le blé, l'orge, les légumineuses, mais aussi parallèlement certains animaux, la chèvre, le mouton, le bœuf, le porc. Mais vous avez, à l'autre bout de l'Eurasie, en Chine, un autre foyer du néolithique, où l'on a domestiqué le millet, le riz, le porc également, donc une autre variété. Voilà, donc vous avez des pôles différents. En Amérique, vous avez au moins un foyer essentiel qui est le Mexique, où on a domestiqué notamment le maïs, avec des foyers secondaires dans les Andes, par exemple, pour la pomme de terre. Vous avez un autre foyer en Nouvelle-Guinée, en Océanie. En Nouvelle-Guinée, où la banane, le taro, n'est-ce pas, ont été domestiqués ou là, ou dans des îles ou des secteurs voisins. Et vous avez l'Afrique, qui a été un autre foyer de domestication de certaines espèces comme le mil ou le sorgho. Il ne faut pas croire que tous ces foyers sont contemporains. Au Proche-Orient, le néolithique se constitue en gros entre 10 000 et 7 000 avant notre ère. Il est à peu près contemporain, peut-être un peu plus récent pour le riz en Chine. Mais en Afrique, les plantes ont été domestiquées, celles qui l'ont été très tardivement, pas avant 2000 avant notre ère. Le fait qu'effectivement ce soit arrivé dans différents endroits de la planète de manière déconnectée, il y a cette idée un peu d'inéluctabilité. Le néolithique, il s'est mis la corde au cou un peu, si je puis employer cette... Autrement dit, il a fait le choix d'un style de vie qui lui imposait certaines contraintes, bien entendu. Mais il faut voir les gains aussi. C'est-à-dire les gains, c'est que la chasse, ça reste aléatoire. Tandis que là, avec des plantes que vous semez, que vous récoltez, avec un troupeau que vous pouvez faire reproduire en permanence, vous avez le beefsteak à portée, vous avez le pain à portée, en quelque sorte, vous voyez. Donc en même temps, vous pouvez nourrir un plus grand nombre de bouches. Globalement, c'est quand même un plus. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles le néolithique a réussi. Autrement dit, ce style de vie, progressivement, s'est répandu à partir des foyers dont je parlais tout à l'heure, à toute la planète, soit de façon lente, progressive, soit de façon rapide. L'élevage des animaux, c'est un phénomène qui apparaît... Jean-Denis Vigne, archéozoologue. Autant qu'on le sache, au Proche-Orient, donc en Asie occidentale, en Asie du Sud-Ouest, aux alentours de 9500-9000 avant notre ère. C'est un phénomène qui est très lent, très progressif. Il débute par un lien fort avec l'animal sauvage, qui se traduit par exemple par le transport de sangliers sur l'île de Chypre, pour peupler l'île et finalement chasser le sanglier. Donc c'est pas vraiment de la domestication, hein, mais c'est un lien fort et une utilisation, entre guillemets, de l'animal. Et puis, ensuite, il y a une étape qui est très claire aux alentours de 8500 avant notre ère, où on voit les animaux domestiques commencer à changer de forme. Donc là, ils sont vraiment en captivité, en proximité de l'homme. Et l'élevage au sens strict, c'est-à-dire une action qui améliore la production des animaux et qui améliore leur bien-être, etc., eh bien ça, c'est quelque chose qui apparaît un millénaire plus tard, aux alentours de 7500. Donc vous voyez que c'est un phénomène qui s'étend sur une durée. Quand on parle de millénaire, il faut dire qu'à chaque fois, ça fait 10 siècles, quoi. C'est énorme, énorme. Donc c'est quelque chose de très, très lent et qui a des sautes, des retours. C'est pas un phénomène linéaire, c'est un phénomène très complexe. On va revenir un petit peu en arrière. Pouvez-vous nous raconter comment ça s'est passé au tout début de la domestication? Comment ça s'est passé jusqu'à la domestication vraiment bien installée? Entre le moment où l'homme vivait avec les animaux et le moment où il a effectivement domestiqué, au sens où on l'entend, c'est-à-dire fait société avec l'animal, il y a évidemment une très longue phase qui s'est déroulée. Alors comment ça s'est passé, on le sait pas précisément, mais on a quand même des idées assez précises. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on se rend compte que selon l'espèce animale, eh bien, on n'a pas le même scénario. Je prends 3 exemples. La domestication du chat, c'est ce qu'on appelle une domestication par la voie du commensalisme. Commensalisme, c'est venir manger à la même table que l'homme. Et en fait, c'est simplement parce que l'agriculture naissante a accumulé des déchets ou des réserves dans les villages, les tout premiers villages, il y a 12 000 ans. Et cette accumulation a attiré des souris qui ont proliféré dans les villages. Et les souris, elles ont attiré avec elles leurs prédateurs, c'est-à-dire renards, chats, enfin tous les petits carnivores, en particulier le chat, qui est particulièrement efficace pour lutter contre les souris. Donc ça, c'est une voie de domestication. Mais on peut pas, évidemment, si on pense aux bovins, on peut pas imaginer la même voie, c'est bien évident. Mais pour les bovins, pour les moutons et les chèvres, c'est une autre voie qui est une voie qui passe par la chasse. Ce sont des proies de l'homme. Ces proies, on peut les tuer à la chasse quand on est très bon chasseur, on y arrive très bien, mais il y a quand même des aléas saisonniers. Et si on se rapproche de la proie et qu'on la contrôle, sans pour autant la domestiquer complètement, mais qu'on la contrôle, eh bien, on a gagné, finalement, à la fois en rapport, en service alimentaire, mais aussi en santé de la population animale. C'est-à-dire qu'on ne chasse plus n'importe comment. On peut ménager la survie de la population animale beaucoup mieux. Donc ça, c'est une deuxième voie. Puis il y aurait une troisième voie qui serait peut-être intermédiaire, celle du cochon ou celle du loup, où en fait il y a un rapprochement de l'animal parce que il vient autour des villages, et puis un lien qui se crée, un lien qui n'est pas dénué d'un versant affectif, de lien avec l'animal individu. Et ça serait une troisième voie. Mais ces trois voies, si on y regarde bien, elles ont en commun le fait qu'elles s'appuient sur une relation écologique préexistante. Que ce soit une relation de prédation, que ce soit une relation de compétition ou d'entraide, ou une relation indirecte, que j'ai qualifiée de commensalisme, c'est une relation écologique préexistante. Et c'est à partir de cette relation écologique que finalement se développe cette tendance, cette trajectoire finalement vers la domestication. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, la domestication n'est pas avant tout, au moment de sa naissance, une domination de l'homme sur l'animal. C'est une co-construction. Certains parlent de coévolution. Bon, j'aime pas trop parce que c'est un sens biologique très précis, la coévolution. Il y a un co-développement finalement entre ces sociétés, ces populations animales et ces populations humaines, qui fait que on s'accentue parce que personne ne le souhaite, ni l'animal ni l'homme, s'accentue finalement ce lien, et il évolue vers ce qui deviendra la domestication à partir du moment où s'installe une intentionnalité, un calcul de l'homme, même si ce calcul il n'est pas sur les millénaires. Je pense que les comportements de nos ancêtres néolithiques au tout début ne prévoyaient pas la naissance de l'élevage industriel. Qu'est-ce que ça change dans l'évolution humaine d'avoir des animaux à côté de soi? Quels sont les avantages et aussi les inconvénients? Alors l'avantage d'avoir des animaux domestiques dans une société humaine, eh bien c'est alors ça dépend bien sûr de la nature de l'animal. Bon, c'est déjà, je dirais, le service que l'animal rend. Et ce service, il est partagé. Quand un chien aide à la garde, ou quand un chat mange des souris, ce qu'on attend de lui la plupart du temps, en tout cas au début de la domestication, mais d'une certaine manière, il en tire un bénéfice aussi. C'est un bénéfice pour l'homme, c'est un avantage, ça va permettre à l'homme de stabiliser, par exemple, si on pense aux animaux de boucherie, aux animaux d'embouche, ça va lui permettre de stabiliser son apport de viande et de graisse au fil de l'année. Voilà, donc ça, c'est les principaux avantages. Il y a quand même un avantage qu'il faut pas négliger, qui est plus difficile pour nous archéologues à voir, à percevoir, c'est l'avantage affectif. On le perçoit, par exemple, avec le chat ou le chien, quand on trouve des animaux inhumés avec des personnes. Bon, il y a des liens affectifs qui se tressent entre l'homme et l'animal. Et ces liens affectifs, ils ont probablement une dimension sociale aussi. Peut-être une dimension dans les croyances. On a très probablement une dimension dans l'au-delà, puisque c'est souvent dans ces tombes qu'on trouve cette association. Donc ça, ce sont les avantages. Et, mais la domestication des animaux a aussi eu des inconvénients sur la longue durée. D'abord, s'occuper d'animaux, à partir du moment où on maîtrise la production laitière, par exemple, c'est une contrainte. C'est une contrainte forte qui oblige la société humaine à s'organiser. Élever les premiers moutons ou les premières chèvres, c'est être capable de séparer les jeunes des femelles à certains moments, donc d'avoir des bergers spécialisés qui les emmènent sur des parcours différents, de telle sorte que le soir, quand on rentre à la bergerie, eh bien les jeunes ont commencé à brouter, donc ont commencé finalement à se sevrer, et avant de les remettre avec les femelles, on peut traire les femelles qui ont accumulé du lait dans la journée. Donc c'est une servitude d'une certaine manière, c'est un progrès technique aussi. Hein. Certaines maladies existaient probablement déjà dès les temps paléolithiques. Mais compte tenu de la fluidité de ces groupes et de leur très faible taux démographique, ces maladies restaient en quelque sorte en retrait. Elles ne se développaient pas. Mais avec le néolithique, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des regroupements de populations dans des villages, et des villages qui ne cessent de grossir. Donc vous avez une promiscuité, en quelque sorte, qui fait que, dès que des germes, des bactéries, des virus apparaissent, automatiquement ils se transmettent à la population. Et comme il y a des liens entre villages, évidemment, des mariages, des phénomènes d'alliance, etc., les choses se répercutent. Il y a également un autre fait qui est important, c'est qu'on vit à proximité des animaux. 70 à 80% des maladies infectieuses humaines actuelles ont pour hôte intermédiaire un animal, et en particulier un animal domestique. Donc la mise en proximité physique, prolongée, permanente entre l'homme et l'animal, a sans doute provoqué une saute considérable dans le bilan épidémiologique des humains dès le début du néolithique. Mais ce que l'on voit aussi à certains moments, nous voyons que par moment il y a des chutes démographiques. Et on peut penser que ces chutes démographiques sont dues précisément à ces maladies qui, périodiquement, ont dû laminer certaines populations. Donc à travers les sépultures, est-ce que vous pouvez nous parler de leur état de santé à leur mort, ce qui est un peu paradoxal, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de leur santé et de leurs conditions de vie sanitaire, de la façon dont ils se nourrissaient au néolithique? On peut aborder l'état de santé des populations du passé à partir de leur squelette. Ça pose énormément de questions, énormément de limites, puisqu'on a affaire effectivement que à des morts et en plus à l'état de squelette. Donc on a une vision très partielle de l'état de santé de ces individus. Aline Thomas, archéo-anthropologue. Malgré tout, on peut quand même observer des traces pathologiques, donc soit des traces de maladies ou des indicateurs de stress physiologique que ces individus ont subi au cours de leur vie. Donc des moments où ils ont manqué de nourriture, des moments où ils ont été malades, et au moment de leur développement, quand ils étaient enfants. Et ça, ça peut laisser des traces sur leurs dents, sur leur squelette, en ayant survécu à ces périodes de stress. On a aussi constaté que les populations néolithiques étaient plus graciles. Elles étaient plus petites et un petit peu moins robustes que les populations précédentes, qui allaient aussi dans l'idée d'une population possiblement en moins bonne santé. Pour autant, il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer ça. Il y a aussi, il faut bien prendre ça en compte, le fait que ces populations deviennent sédentaires. Et donc, elles sont moins mobiles, elles sont moins. Ça a aussi des impacts sur leur physiologie et sur leur morphologie. Donc, ça peut expliquer aussi une forme de gracilisation. Alors là, on est monté au sommet, au-dessus de la falaise. On est à la verticale du gisement, de la zone de fouille qu'on exploite actuellement, une quinzaine de mètres au-dessus. Thomas Perrin. Et devant nous s'ouvre une toute petite infractuosité dans le rocher qui doit faire 3 mètres de long sur 2 mètres de large et 1 mètre 50 de haut à peine. Et dans les premières fouilles qui ont eu lieu sur le gisement à la fin des années 80, une équipe a identifié des vestiges humains préhistoriques, un grand nombre de cadavres d'occupants du néolithique. Les études qu'on a fait récemment sur les restes humains qu'on a pu retrouver permettent de montrer la présence d'une cinquantaine de personnes qui ont été inhumées dans ce tout petit espace. C'est un lieu où les morts étaient déposés, sans doute pour un temps limité. Au fur et à mesure des décès survenus dans le village, qui était sans doute en contrebas à l'époque, le mort suivant, comme dans un caveau collectif actuel, en fait, on fait un peu de place en poussant les précédents sur les côtés ou en prélevant une partie des squelettes antérieurs, quitte à aller les réenterrer ailleurs dans le dolmen, par exemple, pour déposer le nouveau cadavre à l'intérieur. Les gens sont déposés sans doute parés d'un costume funéraire, puisqu'on a retrouvé beaucoup de parures personnelles. Et ils sont également déposés avec des mobiliers particuliers, des petits vases, des flèches, des armes particulières. Donc il y a forcément une spiritualité derrière tout cela. Parmi la cinquantaine d'individus qui sont déposés dans ce caveau, il semble qu'on ait une majorité de femmes et de petits-enfants. C'est-à-dire que 50 individus, ça paraît déjà beaucoup dans un si petit espace. Mais il faut voir également que c'est juste une partie tronquée de la population du village qui était en contrebas, lequel devait accueillir également des personnes âgées, des hommes, des adolescents. Et puis également, à l'époque, donc là on est dans la période du néolithique final, c'est-à-dire au troisième millénaire avant notre ère, et c'est la période de pleine expansion des dolmens, donc qui sont également des sépultures collectives. Et donc il faut imaginer que tout ça fonctionne en réseau, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un cadavre, une partie de la population qui est déposée ici, en fonction de critères sociaux, critères sexuels, etc., une autre dans un autre sépulcre, et que tout ça, les cadavres bougent et sont de temps en temps extraits d'un de ces sépulcres primaires pour être déposés dans des dolmens ou encore ailleurs. Par exemple, ici, on a retrouvé quasiment aucun crâne. Tous les crânes ont été prélevés. Voilà. Et donc s'ils ont été prélevés, c'est sans doute pour avoir été redéposés ailleurs dans des sépultures secondaires. Y a-t-il de réels changements de pratiques funéraires entre les chasseurs-cueilleurs et les cultivateurs ? Alors on constate des transformations dans les pratiques funéraires au moment de la néolithisation, c'est-à-dire au moment de l'avènement de l'agriculture. D'abord, peut-être préciser que les sépultures existent avant le néolithique. Quand arrive l'agriculture, on va voir progressivement donc plusieurs nouveautés. La première nouveauté, c'est qu'on va avoir l'émergence des nécropoles. On va avoir un rassemblement des morts et puis des morts qui vont être dissociés de l'espace des vivants. C'est quelque chose qui va se faire progressivement dans le temps, pas aux premières phases du néolithique. On va avoir quelques exemples au mésolithique, quelques exemples au néolithique ancien, mais progressivement, ça va prendre de l'ampleur. On va avoir des grands ensembles, de grandes nécropoles. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir quelque chose, des structures architecturales qui vont être de plus en plus sophistiquées. L'émergence du monumentalisme, par exemple, que ce soit mégalithique ou avec l'utilisation de terre et de bois. Et puis aussi des structures architecturales qui vont se sophistiquer, l'invention du cercueil. C'est des choses qui vont apparaître au néolithique. On va avoir les premières incinérations. Donc voilà pour les nouveautés. Et puis quelque chose d'autre apparaît aussi au néolithique sur le plan funéraire, c'est les sépultures collectives. On va inhumer plusieurs individus dans une même structure. Des dépôts successifs, un peu comme des caveaux familiaux qui vont durer sur des générations et on va inhumer successivement ces corps. Donc on va avoir des amoncellements de centaines d'individus dans des sépultures collectives. Et puis on va avoir ponctuellement des charniers, c'est-à-dire des individus qui ont été inhumés simultanément et qui révèlent là une crise de mortalité. Et parfois, cette crise est associée à des traces de violence sur le squelette et on peut identifier là des épisodes belliqueux. Les néolithiques, donc, ils sont en place au Proche-Orient définitivement autour de 7000, et à ce moment-là, ils commencent à partir dans un certain nombre de directions. Vers l'est, ils sont allés jusqu'à l'Indus. Vers le nord, ils ont traversé le Caucase, ils se sont dirigés en direction de la Russie. Ils ont traversé toute l'Europe, n'est-ce pas, pour arriver jusqu'aux îles britanniques. Ils ont traversé la Méditerranée pour arriver en Méditerranée occidentale. Ils ont conquis toute la frange méditerranéenne de l'Afrique et une partie du Sahara. Donc vous voyez, à partir de l'épicentre du Proche-Orient, vous avez ensuite une conquête progressive de la planète. Enfin, de la planète, là dans le cas, j'ai pris le cas de l'Eurasie essentiellement, Asie occidentale, mais il s'est passé exactement la même chose à partir de la Chine. Le néolithique s'est développé vers la Corée, vers l'Asie du Sud-Est. Pareil, le maïs domestiqué au Mexique a été progressivement diffusé vers l'Amérique centrale. Donc, vous voyez en quelque sorte comment ce système économique, petit à petit, a grignoté la planète. Toutes les populations qui font la transition néolithique, en général, vont aussi faire des grandes migrations. Evelyne Heyer. Donc, par exemple, si on regarde l'Europe, on n'a pas inventé l'agriculture. L'agriculture est arrivée par des populations qui ont développé l'agriculture au Moyen-Orient, plus précisément en Anatolie. Donc, elles se sédentarisent. Petit à petit, elles développent l'agriculture. Elles domestiquent des plantes et des animaux. Et après, elles vont migrer à travers l'Europe. Et ce qu'a apporté l'ADN ancien, c'est justement cette idée de grande migration. Et effectivement, l'ADN, en comparant les populations en Europe avant l'agriculture et après, à l'arrivée de l'agriculture, voit une différence majeure qui prouve vraiment que ce sont des gens qui sont venus du Moyen-Orient et qui ont amené l'agriculture avec eux. Alors après, ils arrivent donc toujours en Europe et ils se mélangent petit à petit à ceux qui n'étaient pas encore agriculteurs, ce qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs. Ils se mélangent et ça va former la population européenne avec après aussi une troisième composante qui a été découverte dans les études d'ADN ancien, à savoir les populations des steppes, qu'on dit les Yamnaya, qui sont arrivées aussi après. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, quand on regarde le génome d'un individu européen, on retrouve dans ces traces un petit peu de chasseurs-cueilleurs du paléolithique, donc les peintres des grottes de Lascaux, un petit peu, même plutôt beaucoup, d'agriculteurs venus du Moyen-Orient, et une troisième composante qui correspond un peu plus tardivement à l'arrivée des nomades des steppes, les Yamnaya. On sait aussi que c'est à ce moment-là que l'on commence à avoir en Europe des populations de couleur de peau claire. En fait, depuis l'arrivée des premiers Européens venus d'Afrique il y a environ 40 000 ans en Europe, ceux-ci étaient de couleur de peau foncée, résultat d'une adaptation en Afrique à un ensoleillement fort. Et donc, ils arrivent en Europe et on pensait qu'il y avait eu une sélection forte pour une couleur de peau plus claire pour s'adapter à un milieu avec moins d'ensoleillement ou une couleur de peau plus claire permet une meilleure assimilation de la vitamine D. Et grâce à la paléogénétique, on a pu voir qu'en fait, les chasseurs-cueilleurs européens sont de couleur de peau foncée, et ce, jusqu'à il y a environ 6 000, 7 000 ans en Europe, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des populations néolithiques. Parce que l'arrivée des populations néolithiques, d'une part, amène des variants génétiques qui font une couleur de peau un peu plus claire et surtout amène un changement d'alimentation majeur avec beaucoup moins de vitamine D dans l'alimentation et du coup une pression de sélection très forte pour une couleur de peau plus claire. Donc en résumé, nous Européens, nous étions noirs de couleur de peau jusqu'il y a seulement 10 000 ans et c'est l'avènement de l'agriculture par le changement de mode de vie et les migrations qui a fait apparaître cette couleur de peau plus claire. Thank you. Est-ce que le néolithique correspond au début de l'Anthropocène? C'est une question qui agite beaucoup en ce moment, hein, évidemment, qui est en lien avec toutes les préoccupations sociétales des pays occidentaux, notamment. Claire Manin. Si on définit l'Anthropocène comme vraiment une intensification de l'impact des humains sur leur environnement, oui, on peut dire que le néolithique correspond au début de l'Anthropocène. Effectivement, avec l'élevage, l'agriculture, il va y avoir des besoins de déforestation, de pâturage, donc il va y avoir, va se mettre en place une certaine dégradation, on va dire, du milieu, mais qui va être très très longue à venir, hein. C'est pas au début, les tout premiers néolithiques, l'impact sur l'environnement autour, il est juste autour des quelques habitats, et c'est vraiment à la fin du néolithique et plutôt à l'âge du bronze qu'on a véritablement les signaux d'une anthropisation forte sur le milieu. Après, moi, à titre personnel, je pense qu'on a une vision très... On plaque notre vision très productiviste actuelle qu'on a sur l'élevage et l'agriculture. Et je pense que si on en revient vraiment au fondement de la vie néolithique telle qu'elle existait il y a 8000 ans, il y avait un rapport à la nature qui était encore très très fort et une connaissance très très aiguë justement du monde naturel et qui n'est peut-être plus vraiment le cas aujourd'hui. Il y a eu cette déconnexion qui s'est passée, donc le véritable début, personnellement, moi je le ramènerais à la révolution industrielle et à la mécanisation. Voilà. Mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. On parle depuis une vingtaine d'années de cette notion d'anthropocène. Jean-Paul Demoule. C'est-à-dire d'une période qui serait cette fois due à l'homme. Avant, on avait des périodes qui étaient des périodes à la fois climatiques et géologiques, pliocène, pléistocène, éocène, etc. Donc on parle d'anthropocène, donc on a gardé la terminaison scène et anthropos, l'homme en grec ancien. Et la question est chez les historiens de savoir quand est-ce que ça commence, l'anthropocène. Donc il y en a qui la font commencer avec les explosions nucléaires, d'autres avec la révolution industrielle du 19e siècle, d'autres avec les grandes découvertes, 16e siècle, l'extension de la colonisation européenne du monde. Et moi, je fais partie, je suis pas tout seul, penser qu'effectivement, ça commence au néolithique. Mais c'est une courbe au début qui est plate, qu'on voit avec des signaux qui sont encore très faibles. Mais dès la fin du néolithique, on commence à avoir des traces de pollution dans les glaces du pôle qui sont dues aux activités métallurgiques. Et puis, dès le début du néolithique, on a des déboisements massifs qui font que la plupart des paysages qu'on connaît sont des paysages totalement artificiels. Le néolithique a-t-il inventé la guerre? Ma réponse est non. Jean Guilaine. Je pense que l'homme est un animal de compétition. Je pense que dès l'époque des chasseurs-cueilleurs, les gens se battaient. Parce que si vous me dites le néolithique a inventé la guerre, vous partez du principe que à partir du moment où on se sédentarise, où on possède des troupeaux, des champs de blé, etc., c'est-à-dire où on crée une sorte de richesse, richesse alimentaire, mais aussi richesse de biens matériels, n'est-ce pas ? Ça déchaîne l'envie du voisin qui vient vous taper dessus pour vous prendre ce que vous avez. Eh bien, on ne se bat pas que pour des biens matériels. On se bat aussi pour des raisons psychologiques. Alors évidemment, le néolithique a envenimé les choses. Parce que le néolithique, en créant des richesses, en créant des surplus, il a évidemment attisé la jalousie, l'envie, etc. En plus, des inégalités sociales sont nées au néolithique. Donc, le néolithique, non seulement il a accentué les causes de guerre, mais aussi les causes de compétition externes et internes. Parce que on peut se battre contre la communauté voisine, contre le village voisin, mais il y a aussi des formes de compétition interne à l'intérieur même de la communauté qui peuvent se traduire par des vendettas, par des meurtres. – avec le néolithique, à partir du moment où les communautés sont de plus en plus nombreuses et s'ancrent dans un territoire, se sédentarisent, il y a des problèmes de contrôle du territoire, il y a des problèmes de contrôle des biens, des richesses. Et là, on voit la guerre se multiplier, on voit les villages qui commencent à se fortifier, on voit des objets faits comme armes et plus seulement des outils. Au début, on utilise les haches à couper le bois ou les flèches à chasser, mais bientôt on va fabriquer, et surtout avec l'avènement du métal, eh bien, le casque, le bouclier, et on a une course aux armements qui démarre à la fin du néolithique et dans laquelle on est toujours. Pensez-vous que le néolithique soit une erreur ? Pendant longtemps, on a considéré que le néolithique, évidemment, ça allait de soi. C'était un développement. Et maintenant, et notamment dans le contexte du Covid, il y a l'idée que toutes nos misères viendraient du néolithique. Or, je pense pas du tout ça. Je pense que, effectivement, le néolithique a toutes sortes d'avantages. Sinon, on serait pas en train de parler aujourd'hui. On serait dans une forêt et on n'écouterait pas la radio. Donc, ça a plein d'avantages, mais c'est la façon dont on s'en sert. Comme n'importe quel autre outil ou fait de civilisation. La question, c'est effectivement, est-ce qu'il est inévitable qu'on débouche à chaque fois sur des sociétés inégalitaires, violentes, sur des épidémies, etc. Et là, bêtement, on peut dire que ça dépend. On a des sociétés très inégalitaires, on en a qui le sont moins. On sait ça dans l'histoire, par l'histoire. Bon, on connaît la démocratie athénienne, même si ça concernait qu'une petite partie de la population. Et on constate aussi, enfin, que régulièrement dans l'histoire, les sociétés trop inégalitaires se sont effondrées de l'intérieur ou de l'extérieur par des révolutions, par le fait qu'elles soient arrivées au bout de leurs possibilités, qu'elles aient surexploité leur richesse. Donc, je ne pense pas que le néolithique est une erreur. La question, c'est celle des sociétés. Qui était égalitaire ou inégalitaire. Depuis Lucie, la néolithisation, errare humanum est, avec Jean Guilaine, Thomas Perrin, Claire Manin, Jean-Paul Demoule, Evelyne Ayer, Jean-Denis Vigne, Aline Thomas, archives Ina Sandra Escamez, recherche musicale Antoine Villoz, avec la voix d'Agnès Roux. Merci à l'Espace archéologique départemental de Mont-Rosier et au Musée de l'Homme, à Emmanuel de Pelleport. Prise de son, Georges Thau. Mixage, Claude Niort. Coordination, Perrine Kervran, Marivonne Abolivier. Réalisation, Asia Khalid, un documentaire de Franck Bessière. Oh,